Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Voici les grands titres. Le secrétaire général des Nations Unies s'inquiète de la situation socio-économique du Burundi. Antonio Guterres l'a dit dans un rapport présenté au Conseil de sécurité. Mais ce rapport est rejeté par le gouvernement de Bujumbura. Les autocollants exigés par les services de l'Otraco pour l'obtention du certificat de contrôle technique ne sont pas reconnus par la loi. Vous en saurez davantage dans ce journal. Alors qu'un député élu à Ruyigi se plaint d'être malmené par l'administration dans sa province, nous appellerons notre correspondant. Et dans le reportage du jour, nous irons à Mwaro pour évoquer la pénurie d'eau et de blocs sanitaires au marché du chef-lieu de cette province. Voilà pour le sommaire. Bonjour, le secrétaire général des Nations Unies s'inquiète que le Burundi est en train de sombrer dans une situation socio-économique et humanitaire déplorable. Dans le rapport qu'il vient de sortir sur le Burundi, Antonio Guterres indique entre autres que le pays connaît un recul de la croissance du produit intérieur brut, que la part des secteurs sociaux dans le budget de 2016 n'a pas été consistante et qu'un quart de la population burundaise a besoin des aides. Je suis avec Joseph Nsabiyabandi pour nous faire le point. Oui, Jean Bosco, dans son rapport, le secrétaire général des Nations Unies déplore que le Burundi enregistre un recul de la croissance du produit intérieur brut et des pertes importantes en réserve de devises. Antonio Guterres souligne qu'en 2016, la dette publique a augmenté de plus de 50% et que le taux de chômage chez les jeunes a connu une forte hausse. Le secrétaire général des Nations Unies déplore aussi qu'en 2016, les allocations budgétaires consacrées aux secteurs sociaux comme la santé, l'éducation et l'agriculture ont diminué. À titre d'illustration, il souligne que ces allocations ont diminué respectivement de 30%, 54% et 72% pour les secteurs comme l'éducation, la santé, l'eau et l'assainissement. Le même rapport indique que l'année dernière, le nombre de personnes, essentiellement les femmes, les enfants et les jeunes, ayant besoin d'une aide humanitaire est passé d'un million à au moins 3 millions, c'est soit un quart de la population totale. Le secrétaire général des Nations Unies s'inquiète qu'en 2016, plus de 8 millions de Burundais, soit 73% de la population totale, ont contracté le paludisme et près de 4 000 en sont morts. Les Nations Unies déplorent également qu'il y a des Burundais qui continuent à fuir le pays. À cet effet, le secrétaire général des Nations Unies rappelle aux dirigeants politiques burundais qu'ils ont l'obligation morale et la responsabilité politique de tout faire pour remettre le pays sur la voie de la paix et du développement économique et social. Il demande à toutes les parties prenantes burundaises de placer l'intérêt de leur pays au-dessus de leurs intérêts particuliers et d'engager en toute bonne foi et sans condition préalable un dialogue véritablement ouvert à tous sous l'égide de la communauté de l'Afrique de l'Est, un dialogue qui soit fondé sur le respect de l'accord d'Arusha. Merci Joseph en direct dans ce studio. Mais ce rapport est contesté par le gouvernement de Bujumbura dans un communiqué sorti ce lundi par son secrétaire général et porte-parole. Bujumbura affirme que l'auteur du dit rapport a été récusé. Philippe Nzobonariba précise cependant qu'il en ignore les détails. Suivez. Sans prétendre en connaître les détails de son contenu, le rapport n'ayant pas été officiellement signifié, le gouvernement de la République du Burundi se réjouit du travail accompli de commun accord avec l'Organisation des Nations Unies, particulièrement par les années 2000. La coopération avec cette organisation a toujours été bonne et le Burundi, en ce qui le concerne, souhaite la maintenir comme telle. Cependant, le gouvernement de la République du Burundi regrette que certaines lobbies aux intérêts et positions avérées contre le Burundi semblent avoir la main haute sur certains organes des Nations Unies, jusqu'à influencer certains rapports. Le gouvernement du Burundi voudrait rappeler à son Excellence, Monsieur le Secrétaire Général des Nations Unies, que l'auteur du rapport, à savoir Monsieur Jamar Benomar, a été officiellement désavoué par le gouvernement. Ne serait-ce que du point de vue moral, présenter un rapport neutre ou équilibré sur le Burundi. Il convient alors de rappeler à l'ONU les deux principes sacro-saints qui font partie intégrante de ces textes fondamentaux, à savoir d'abord l'égalité souveraine des États et l'autodétermination des peuples. Le gouvernement du Burundi aimerait également rappeler que le Conseil de sécurité est régi par des règles qui s'appliquent de manière égale et équitable à tous les États membres de l'ONU. La pratique du deux poids et deux mesures devrait cesser si du moins cette prestigieuse institution veut maintenir sa bonne réputation. Philippe Nzobonariba, c'est le secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Le mouvement des femmes de la région est-africaine pour la paix et la sécurité au Burundi a sorti une déclaration dénonçant les cas de torture et de tuerie qui s'opèrent au Burundi. Ce mouvement demande à la communauté est-africaine de résoudre la crise que connaît le Burundi. Cette déclaration a été lue par Alida Ndaikeza. Voici son compte-rendu de lecture. Cette déclaration est sortie en date du 24 février 2017 en Ouganda, après une réunion du mouvement des femmes de la région est-africaine pour la paix et la sécurité au Burundi. Ces femmes disent qu'elles suivent de près ce qui se passe au Burundi, il se remarque des tueries, des cas de torture et que les filles et les femmes ne sont pas épargnées. Pour elles, cela témoigne de l'existence des violations des droits de l'homme et elles dénoncent l'inaction du gouvernement. Dans cette déclaration, ce mouvement dit être attristé par la non-évolution du dialogue d'Arusha pour trouver la solution à la crise burundaise. Ces femmes continuent en disant qu'il y a des initiatives qui ont été menées par d'autres femmes à l'intérieur ou l'extérieur du pays pour dénouer la situation. Ce mouvement des femmes de la région est-africaine pour la paix et la sécurité au Burundi lance un appel au chef d'État de la région de venir en aide à la population burundaise, car pour elle, cela est une honte de voir le nombre de tueries qui augmente sans l'implication de ces États pour trouver la solution. Ces femmes terminent en invitant le médiateur Yoweri Museveni de résoudre pacifiquement la crise burundaise. Les signataires de cette déclaration sont au nombre de 10. 5 femmes du Burundi, une de l'Ouganda, une autre vient du Sud-Soudan, une Tanzanienne, une Rwandaise et une Kenyane. Merci Alida. Et l'Association des femmes en action pour la paix au Burundi, WAP, rejette cette déclaration qui n'est qu'une démarche de torpiller le processus de dialogue en cours. La vice-présidente de cette association, Christine Nina Niyonsavie, interpelle les réfugiés à regagner le bercail. Suivez-la. Face à la propagation de tels propos, souvent faux, biaisés et incendiaires, WAP Burundi, en tant qu'organisation avec une mission d'agir pour le renforcement de la paix et qui suit avec grand intérêt des événements politiques, nationaux et régionaux, mais aussi internationaux, ne peut pas passer sous silence une déclaration qui est en effet une insulte et un affront à l'endroit de toutes les femmes majoritaires au Burundi qui s'activent avec détermination pour la consolidation de la paix et le relèvement économique et social au Burundi. WAP Burundi rejette en bloc avec énergie cette déclaration qui n'est autre qu'une démarche délibérée de torpiller les procédures de dialogue en cours et de décourager le mouvement de retour volontaire des réfugiés. WAP Burundi salue les efforts du gouvernement à réconcilier le peuple burundais. Nous, les femmes en action pour la paix au Burundi, nous demandons à l'ensemble sous-régional de décourager cette campagne de calomnie et de diabolisation du Burundi par cette association de femmes. Nous rappelons avec insistance aux cours et aux tribunaux des organes internationaux compétents d'arrêter et de traduire en justice les auteurs des délits et crimes commis au Burundi conformément à la loi. Nous saluons le retour des frères et des sœurs qui étaient en exil et réitérons notre appel aux réfugiés de regagner le bercail afin de contribuer à l'édification de notre cher parti. Et l'association Solidarité avec les prisonniers et leurs familles salue la récente mesure de libération de certains prisonniers et demande l'extension de cette mesure pour que d'autres prisonniers politiques soient élargis. Le vice-président de cette organisation demande aussi au gouvernement de faire un effort pour organiser le retour des réfugiés afin qu'il y ait une paix durable. Méthode Nyumwami s'exprimait au cours d'une conférence de presse ce matin. Robin Niyonkuru pour plus de détails. Le vice-président de l'association Solidarité avec les prisonniers et leurs familles, SPF, constate que toutes les initiatives en vue d'une paix durable ne peuvent pas aboutir alors qu'il y a encore des Burundais qui sont dans les camps des réfugiés. Nous demandons aussi la collaboration entre les associations civiles, dont Tabariza, les confessions religieuses, pour que le Burundi entame les pourparlers entre les réfugiés, pour que ceux-ci puissent regagner leur pays natal et continuer à l'autodéveloppement et surtout au développement de leur pays. L'autre facteur pour assainir le climat, selon cette organisation, serait la libération de tous les prisonniers politiques. Le constat pour SPF étant qu'il y a encore des prisonniers politiques et d'opinion qui n'ont pas bénéficié de la mesure de grâce présidentielle. Méthode Nigumami demande aussi qu'il y ait un suivi et encadrement des anciens prisonniers qui ont récemment bénéficié de cette mesure, puisque certains ont récidivé en commettant des forfaits. Constatant la famine qui sévit dans le pays, SPF demande au gouvernement de renouer ses relations avec ses partenaires. Nous encourageons donc le Burundi à continuer de pourparler entre les Burundais et les communautés européennes pour que les aides qui étaient normalement données à notre pays soient libérées et comme ça éviter d'avoir des famines régulières. Au cours de cette conférence de presse, Methode Ndigumwami a aussi demandé que le gouvernement puisse redynamiser aussi ses relations avec d'autres organisations internationales qui interviennent dans le développement du pays. Merci Oba. Les autocollants exigés par les services de l'Office des transports en commun pour l'obtention d'un certificat de contrôle technique ne sont pas reconnus par la loi. Cela fait objet d'une correspondance du ministère des Transports adressée au directeur général de l'Autraco, lui signifiant que le port forcé de ces autocollants n'a jamais été une mesure du ministère, d'où sa suspension. Le directeur général des Transports appelle tout le monde à lire la loi et la comprendre, parce que les catégories de véhicules devant porter les plaquettes de sécurité et non ces autocollants sont bien connues. Jean-Claude Mawenimana était au micro de Francine Ndihokugayo. On sentait déjà que dans la rue, il y a des rumeurs faisant état d'un port de certains autocollants pour tous les véhicules, alors que la mesure normalement concerne une certaine catégorie de véhicules. Alors, c'est à titre de rappel pour que quand même la loi soit respectée. Ici, à l'article 1 de l'ordonnance, on dit que tout camion, camionnette pick-up, engin routier et tout véhicule de transport en commun de plus de 10 places assises doit être équipé d'une paire de plaquettes de sécurité en chevron de couleur réfléchissante et rouge et blanche à l'arrière. Et à l'article 2, on précise les dimensions 30 cm x 15 cm pour les véhicules de transport en commun de 10 à 30 places assises, ainsi que les camionnettes dont le poids total autorisé en charge est compris entre 3,5 tonnes et 2,5 tonnes à l'arrière gauche. Et la catégorie supérieure porte obligatoirement les plaquettes en chevron de 60 cm x 15 cm. Les voitures des particuliers ne sont pas concernées par les mesures? Je dis non parce que ce n'est pas prévu nulle part, et dans le code et dans l'ordonnance d'application. Mais toutefois, à l'article 5 de l'ordonnance, on dit que les véhicules possédant les catadioptres arrière incorporés ne sont pas concernés par la mesure. La loi, elle est là pour tout le monde. Donc, je demanderai à la population de lire ce que dit la loi. Ou alors, de chercher à s'informer auprès des institutions en charge du secteur. Non seulement ces autocollants ne respectent aucune loi en la matière, mais aussi, il y a une catégorie de véhicules qui est bien définie et qui doit porter ce genre de plaquettes de sécurité. Voilà, c'était le Jean-Claude Mawenimana, c'est le directeur général des transports. Il est 13h10 à Bujumbura. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Les étudiants de l'Université du Burundi et de l'École normale supérieure disent s'inquiéter du nouveau décret présidentiel portant réorganisation de la gestion des bourses et stages. La pré-bourse n'est pas mauvaise en soi, d'autant plus que les meilleurs auront la bourse gratuitement. Ce qui cloche pour eux, c'est que l'emploi qui pourrait permettre le remboursement est rare au Burundi. Il demande la révision de ce décret pour qu'il concorde avec la vie actuelle. Suivez certains d'entre eux au micro d'Alain Désiré Okayenez. Nous avons accueilli lamentablement ce décret car le contenu semble dur pour nous. Ce que nous pouvons apprécier, c'est d'abord qu'il reconnaît qu'il y a ce qui sont, je dirais, excellents. Mais ce qu'il nous propose, c'est que nous puissions être considérés au même pied d'égalité car nous sommes des citoyens burundais. Si nous considérons la vie que nous menons, étudiants particuliers ainsi que les familles burundaises, nous craignons plus fort que nous ne pourrons pas rembourser ce pré-bourse. Ce décret ne manque pas de problème car il n'y a pas là où on signale comment irambusera. Est-ce que ces étudiants-là qui auront la prébourse à la fin de ces études, ils auront de l'emploi, mais immédiatement pour le rembourser, avant même la pauvreté qui couvre tout le pays. Donc, demandons au gouvernement de revoir de nouveau ce décret du côté positif. Et le système donc, de la prébourse, c'est pas du tout mauvais, parce qu'il y aura les meilleurs qui auront la bourse gratuitement. Le problème, bien sûr, réside au niveau du remboursement pour la prébourse. Positivement, octroyer la prébourse, c'est bon, mais le problème c'est qu'il y aura une division entre nous. Donner cette prébourse et d'autres recevoir la bourse gratuitement, ce sera la division. C'est-à-dire qu'il y aura des problèmes pour rembourser cette prébourse que l'État va donner. Les conditions dans lesquelles nous vivons sont difficiles. Beaucoup d'entre nous viennent de l'intérieur du pays. Il y aura beaucoup de problèmes pour le remboursement. Parce que ici au Burundi, obtenir un emploi, c'est difficile. Nous étudions, mais à la fin de nos études, nous n'obtenons pas des emplois. Pour le gouvernement, il faut que, à la fin de nos études, ils cherchent des emplois pour les étudiants, pour pouvoir bien rembourser. Voilà, c'était le micro-trottoir d'Alain Désiré Boukéneza sur la réaction de ces étudiants en ce qui concerne la réorganisation de la gestion des bourses et stages. Nous reviendrons sur l'éducation avec ces grèves des enseignants du lycée Saint-Archange d'Ongozi et une grève des élèves du lycée de Tora en commune Mugamba de la province de Bururi. Mais avant cela, je vous l'avais dit, c'est la grogne d'un député élu dans la province de Ruyigi, à l'est du Burundi. Il explique qu'il est malmené par les responsables administratifs. Chaque fois qu'il est dans cette province, au député élu sur la liste de la coalition Amizero et Barundi plaide pour sa libre circulation dans la province. Le gouverneur de cette province fait savoir que tout responsable administratif doit suivre de près tout ce qui se passe dans sa circonscription. Jean-Claude Chimirimana nous fait le point. Le député Pascal Bizumuremyi, élu dans la circonscription de Ruyigi sur la liste de la coalition Amizero ya Barundi, est celui qui dit être malmené par les responsables administratifs chaque fois qu'il est dans cette circonscription. Pascal Bizumuremyi dit qu'il a été encore une fois malmené ce mercredi à son passage dans la ville de Ruyigi par le gouverneur de la province lui-même. Je descendais à Bujumbura, arrivé au centre Ruyigi, j'ai viré prendre un fantôme dans un petit bistrot. Subitement, j'ai vu le gouverneur de la province arriver, puis a demandé à un policier de lui dire où j'étais. Il lui a directement montré. Nous sommes immédiatement entrés en contact et il m'a dit qu'il venait d'être informé que je tenais une réunion, d'où il est sorti du bureau en courant pour me voir et arrêter les personnes qui étaient avec nous. Avant cela, le député Pascal Bizumuremyi dit qu'il a été malmené dans sa commune natale Gisuru le 19 février par des policiers et des jeunes du parti au pouvoir Imbonerakure, mandaté par l'administrateur de cette commune. Ce représentant du peuple demande que sa dignité soit respectée et qu'il puisse circuler librement comme les autres dans sa province natale et où il a été élu. Le gouverneur de la province Ruyigi, Abdallah Hassan, affirme qu'il a rejoint ce mercredi le député Pascal Bizumuremyi dans un bistrot où il se trouvait en vue de pouvoir vérifier s'il était en train de tenir une réunion illicite comme il venait d'en être informé. Néanmoins, il indique qu'il a constaté qu'il n'y avait pas de réunion dans ce bistrot. Selon cette autorité provinciale, chaque responsable administratif a le devoir de suivre de près ce que font tous ceux qui se trouvent dans sa circonscription respective pour des raisons de sécurité. Jean-Claude Nshimirimana, Ruyigi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Claude. Et ce mercredi, deux familles ont failli se rentrer dedans sur la colline Ruvumu de la commune Nyabikele en province Karuzi après la mort d'un certain Désiré Nirunenwa ce mercredi même. L'administrateur de la commune Nyabikele a été sur place afin que la famille éprouvée puisse enterrer le leur et demande à la population d'en découdre avec l'esprit de croyance aux superstitions et l'esprit de se faire justice. Blaise Pascal Kararmi. Comme l'indique le chef de colline Luvumu de la commune Nyabikere de la province Karusi, il s'agit d'une mort subite d'un homme digne de désiré Nirunenwa, une mort survenue ce même mercredi, une mort qui a suscité d'inquiétudes à la famille éprouvée. Celle-ci a beaucoup pensé à l'empoisonnement comme cause de cette mort pour ensuite songer à une vengeance, signale ce chef de colline. Cette famille éprouvée a même appelé leurs membres qui sont dans la commune Mutumba frontalière de Nyabikere pour aller attaquer une famille accusée dans cet empoisonnement. À Luvumu, entraînant ainsi de l'insécurité sur cette colline le même mercredi. Il a failli ainsi l'intervention de l'administrateur communal et de la police pour que la situation puisse se renormaliser et la famille du défunt est arrivée à accepter l'enterrement du corps de Nirunenwa Désiré, celui-ci venant de laisser derrière lui une femme et deux enfants. L'administrateur communal Leonidas Nakumudiango demande à la population d'en découdre avec un esprit de se faire justice et de croyance de se faire justice. Et puis car aussi, Blaise Pascal Kararumie pour Radio Isanganiro. Je vous le disais brièvement, les élèves du lycée Toran, commune Mugamba de la province de Bururi, sont en grève depuis ce mercredi. Ils dénoncent la diminution de la quantité journalière en vivres. Le directeur provincial de l'enseignement à Bururi dit que cette école les rationne à hauteur de ses moyens. Jean-Pierre Misako. Selon des informations obtenues de cette école, la grève a commencé ce mercredi matin. Et la police de Mugamba a dû surveiller ses élèves la nuit pour éviter que la situation ne dégénère. Selon ses sources, la ration journalière a été revue à la baisse depuis deux semaines où la quantité de riz par repas est passée de 60 kg à 40 kg, celle des patates douces par repas passant de 350 kg à 170 kg. Quant au haricot, il est passé de 50 kg à 30 kg. Par repas avec une quantité insignifiante d'huile de palme et quelquefois avec absence de sel de cuisine pour nourrir les 500 élèves que compte cet établissement scolaire. Ces élèves disent que certains commencent à somnoler déjà à la troisième heure dans ces conditions et voudraient que le lycée Tora ne fasse pas exception dans la direction provinciale de l'enseignement à Bururi. Firmé Buchumi, directeur provincial de l'enseignement à Bururi, reconnaît cette diminution des quantités en vivres offertes à ses élèves, mais explique que c'est lié à la capacité financière de cette école, les prix de ses denrées alimentaires ayant grimpé sur les marchés. Il informe que la solution sera trouvée lors d'une rencontre avec les parents réunis en assemblée générale. Selon ce responsable scolaire, les cours ont repris ce jeudi matin à l'école technique communale de Kamembe en commune Rutovu, après avoir vidé certaines des questions qui avaient été à l'origine de la grève des élèves ce lundi. Jean-Pierre Misago de Fubururi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Et en Ngozi, il y a également grève des enseignants du lycée Saint-Archange. Ils sont en grève depuis ce jeudi matin. Ils réclament l'augmentation des salaires ainsi que la révision de leur contrat. Apollinaire Mozagara. Les élèves étaient sur dans bon nombre de classes de cet établissement. Comme à tous les enseignants sont présentés comme d'habitude au service, mais ont rebroussé chemin vers 10 heures. Seuls les heures et quelques enseignants, surtout les nouveaux qui n'ont pas encore eu de contrat, ont pris parmi les revendications de ces enseignants la hausse des salaires ainsi que la révision de leur système de compte. Selon le nouveau système, chaque enseignant fait une année d'essai. Donc pour acquérir un contrat indéterminé, leur faut 5 ans, chose qui les révolte. Les enseignants réclament donc un contrat indéterminé juste après cette année d'essai. Vous saurez que le lycée Saint-Archange d'Ongozi est venu en deuxième position après le lycée Saint-Esprit au concours national de la 9e année de l'Ampas d'Ongozi. Apprenez Mozagara, Radio Sanganil. À la source, reportage. Les commerçants du marché du chef-lieu de la province Mwaro s'indignent contre le fait que dans ce marché, il n'y a ni eau ni bloc sanitaire depuis longtemps. Ces commerçants craignent pour leur santé et demandent une intervention rapide de l'autorité administrative pour rouvrir des robinets d'eau potable et de blocs sanitaires fermés il y a plusieurs années. Le conseiller de l'administrateur communal de la commune Kayokwe, chargé du développement, tranquillise. Il indique que d'ici peu de jours, des solutions seront trouvées pour remédier à ce problème. Les détails, c'est dans ce reportage d'Evariste Nzikobanyanga. nibikorwa nyene umuntu agira yifashisha umuntu avuye kure haronke hanywera amazi. Nous sommes au marché de Mwaro, se trouvant au chef-lieu de cette province. Construit depuis 2004, il était doté de bornes, fontaines et de latrines. Cette infrastructure est aujourd'hui privée de l'eau et de blocs sanitaires il y a 6 ans, selon certains. Dismas Sindayhebura est parmi eux, on l'a trouvé dans son marché, en train d'étancher sa soif. L'hygiène était très primordiale, mais elle laisse à désirer dans notre marché de Mwaro. Pas de l'eau, pas de bloc sanitaire. L'administrateur a promis qu'il allait se pencher sur la question, mais en vain. Ceux qui vendent dans ce marché n'ont pas où se soulager ou se laver les mains. Certains vont dans des ménages surplombant le dit marché et d'autres vont dans la nature. Les commerçants au marché de Mwaro craignent de maladies suite au manque d'hygiène. Sophie Simbakira est commerçante au marché de Mwaro. L'eau a existé dans ce marché, mais aujourd'hui c'est le chaos. C'est un marché fréquenté par des centaines de personnes. Son manque de toilettes et de l'eau cause de maladies liées au manque d'hygiène. Quand on est au marché, l'on a besoin de l'eau pour se laver les mains. Vous voyez, il y a ceux qui mangent dans ce marché et ne trouvent de l'eau soit à boire ou à se laver. Il faut que ce marché soit doté de l'eau potable. Un appel bien accueilli par l'autorité communale de Kayokwe. Le conseil technique de l'administrateur de la commune Kayokwe, chargé du développement, indique que ces problèmes datent de longtemps. Emmanuel Douimana explique qu'il y a eu mésentente par rapport au paiement des factures de la régie des eaux. Cette autorité tranquillise que les concernés tentent de résoudre ce problème. L'origine est à ce qu'il y a un problème entre la régie des eaux et la commune qui est né au niveau de l'entreprise qui a construit le marché, qui est partie sans qu'elle paye la facture de l'eau et de l'électricité utilisée lors de la construction de ce marché. Et alors la régie des eaux a pris la mesure de ne pas approvisionner l'eau son marché, mais les autorités de la commune n'ont pas entendu de la même oreille que la régie des eaux et ont persisté de ne pas payer la facture que la commune n'a pas utilisée. Comme nous avons constaté que les utilisateurs du marché sont dans le besoin de l'eau, les autorités actuelles ont entrepris une entente pour voir comment payer cette facture afin que le marché soit approvisionné en eau et en électricité. Le conseil technique de l'administrateur communal de Kayokwe, chargé du développement, indique que la question de blocs sanitaires provisoires va trouver une issue favorable d'ici une semaine. Ces derniers sont en train d'être construits à l'extérieur du dit marché. Evariste Nzikobanyana, qui je dis merci avec toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à réaliser ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci à tous invités aussi pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Douimana. Un bon après-midi.